Du lundi au jeudi, passez 3 heures à combattre l'envie de vous rendormir grâce à Jean-Philippe, Mathieu et leurs chroniqueurs variés. Actualité, musique, improvisation, culture, plein air, faits divers, politique, sorties, gadgets et plus encore. Avec tout ça, on va manquer de place pour les blagues qui tombent à plat. Ah, Mathieu, fais-moi confiance, on va en trouver. Assemblage requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. Vous êtes à partir de 7h30.